frais, c'est la voix des âmes qui ont quitté leur corps avant la mort clinique. Donne-moi ma part, enculé. 22 ans, je buvais du Château Margaux. 13, le langage est codé, elle comprend pas mon argot. Je mangeais par terre à 13h, demande à sa mollo. Ils font les shows ici, dedans ils tournent avec les violeurs. Ici à zéro négo, des CZ et des Draco. La nuit, je me réveille en nage, un bleu qui fait couler du sang, un ado mourant dans la jave. Et méfie-toi, de l'eau qui dort et du muet dans le braquage. À vouloir être légendaire, tu vas manger la poisse ou tu vas manger l'ardoise. Mauvais karma, comme ceux qui ont poussé la brune, c'est pas qu'on mange la dalle. Dans tout ce que je fais, je m'arrache. Ouais, je connais des gens bien, même des gens bien qui tabassent. J'tourne comme une entreprise du CAC 40. J'réponds à la violence, j'roule sur une balance. Pilule bleue ou rouge, tu te fais manipuler. Quel longtemps que j'ai perdu fort l'humanité. Faut tuer le roi du taf à la cité, mais pas au pôle emploi. Il faut trois boîtes de sativa pour faire du poids. Je jette une bouteille à la mer, c'est de la vodka. Faut tuer le roi. La vie est cruelle, mes meilleurs soldats sont en prison. J'ai pas de fast-food au quartier, j'ai de grandes ambitions. J'suis en mission, j'ai des auditions, des échantillons. J'pique comme une abeille, j'vole avec les portières papillons. L'avenir Mike, mec. Ici petit frère fait des ballons dans le bolide. Bienvenue les règles manquantes font plus de morts que le Covid. Je suis revenu plus fort parce que le cœur on me l'a perforé. Cogno, faut pas vendre la peau de l'ours avant d'avoir quitté la forêt. Ça veut des disques en or, être plus riche que Christian Dior. Pas win, ça passe par la fenêtre pendant que Christian dort. Je paye trois gardes du corps parce que je fais pas de MMA. Zéro trac à MMA, j'ai pris la villa pour ma marque. Moi j'ai connu la galère, je m'en bats les couilles de ma dégaine. Les bons comptes font les beaux amis quand je fais les comptes plus dégueulasse. Laisse-moi faire frère, je vais me les faire taire, leur faire perdre la tête, leur faire perdre la guerre sans faire. Play, mon flair play, à l'air play, sans faire le blaireau, je fais le blé, tout en soignant mes plaies, je suis le replay du gladiateur de Ridley. À vif, comme le cœur de Hartley, je marque les pas comme Charles Barkley sur le parquet, ou comme l'OVNI avec sa paire de Oakley, je plante les haineux avec mon flow Opinel. Ma SACEM m'a rendu expert en loi Pinel. Chez nous, les illettrés connaissent chaque lettre du code pénal, je fais mon casse et me casse comme Spad Jarry du tribunal. Lui, c'est nul. Elle s'est tachée, sur mon CV y'a Jules et S c'est haché. Soprane baba, que des séries papa. Aucun de nous n'a décidé de ce que t'as pas. Département 13, on se tape depuis la tétine. Les parents qui souffrent font des fils de rescapés. Pour la plupart de ces gosses qui tirent, des gars qui trop petits se sont fait taper. Ton ventre est plein, nous on a raté la sieste. Ils crachent dans la soupe mais ils ont léché l'assiette. Je ris des gnichtos à la quista qui attire dista. Les vrais blindes ne s'affichent pas. Sarah, c'est certif, c'est pas assez cher. J'achète des gangs, mes textes partent aux enchères. Quand les armées ternues, c'est que l'ambiance refroidit. Le cap était déjà perdu en 2002x10. Le quartier a rajeuni, on va parler salaire. Un truc du genre le manque à gagner du dealer à Johnny. C'est comme Jackie et Michel dans My Little Pony. Chez nous on charge les roquettes au tabac et à l'herbe. C'est promis, je te raconterai ma vie dans le disque éponyme. En attendant je leur pisse dessus, y'avait plus de violon disponible. J'ai procuré un calibre chargé au ridicule. La République m'a parqué dans sa friend zone. La criminelle passe au blue star, les mots que je véhicule. Mon ambition roule toujours en ferrarienne. J'fais de l'humour sordide, j'me tape des fous rires, me marcelle. Si Zemmour chope le Covid, appelez le Tobib de Michael. J'peux pas compter sur mes fans pour tout mettre dans la pierre, c'est gaze. Mon rap touche pas assez les femmes. À l'inverse de Pierre Ménès, et marre de goûter à la merde. Et déçu de voir qu'ici ça pète, on jette des bouteilles à la mer. Les élus tapent des cuites avec nos libertés, ils nous privent. Et j'ne vois pas de happy end. Quand Floyd disait I can breathe, Trump lui disait yes you can. J'suis pas coupable de ces dérives et ces virages. J'suis blanc comme neige ou comme les sinus d'Elvira. J'donne que la confiance au mien, pas au premier qui approche. En gros, j'ai le cœur sur la main et la main dans ma poche. Microphone chargé à la nitro pour assassinat. Viens faire un tour dans la vérité du ciment. Je vis comme une bombe larguée, speed comme Ayrton Senna. L'avenir éclaté sur les murs du bâtiment. Gros, pourquoi tu mens avec toutes tes gonzes? T'es pas taillé comme Rambo en basse, pas Pattaya, c'est la zone. Personne roule en lambeau, le tombeau reste ouvert. Reçoit de nouveaux Yankees et le diable attend les remerciements. Dehors on compte les pertes en ouvrant la liberté. Ça ressent la grosse Berta, la révolte a déserté. Héros ici c'est l'omerta. Jusqu'au bout ils vont merder. C'est tous les mêmes tirs dans le tas, donc on va les alerter.